mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. L'oiseau de proie. De Lewis Trondheim. Excusez-moi, ça fait 8 fois que je fais le tour et à chaque fois je vous vois en train de scruter autour de vous. Mmh. Il vous a posé un lapin ? Je comprends pas. Votre mec, vous attendez votre mec et il vient pas, c'est ça ? Ah, non. Non, mon mec il aime pas le jardin du Luxembourg. En fait... Non, laissez-moi deviner. Enfin, si ça vous ennuie pas. Si vous voulez, mais je veux bien que vous... Que je dégage de votre champ de vision parce que vous attendez quelque chose. Il n'y a pas de problème. Vous êtes une jeune policière et vous voulez développer vos qualités d'observation ? Ah bah ça, c'est vous qui m'avez calculé tout de suite alors que c'est moi qui voulais deviner. Ah ouais ? C'est vraiment ça ? Ouais. Je faisais mon jogging pour le maintien en forme physique. Attendez, ça se voit autant que ça que je suis flic ? J'ai même pas d'uniforme, j'ai rien. C'est dans ma démarche ou ma façon de parler ? Non, j'ai pris une option vaguement probable, c'est tout. Et puis, je lis beaucoup de romans policiers, alors ça aide. Une bonne formation du terrain, c'est un peu plus utile. Les gens, ils croient qu'en regardant les experts à la télé, ils sont flics, mais c'est pas du tout ça. Je parlais de lecture. Ouais, les bouquins, c'est du pareil au même. Alors donc, vous n'attendez pas votre mec ? Je sais. Vous attendez votre amant ? Non, mon amant n'aime pas non plus le jardin du Luxembourg. Ah, non, je suis bête. Vous n'êtes pas là à regarder l'heure tout le temps, ni à envoyer des SMS pour prendre des nouvelles. Attendez. Non. Vous êtes en chasse pour avoir un troisième amant. Non. En tout cas, vous êtes à l'affût. Mais vous attendez quoi ? Vous voulez un indice avec ce livre ? Non, je vous l'ai dit, je crois en l'apprentissage sur le terrain, pas par... Comment ça se dit déjà ? Par procuration. Oui, voilà. En lisant des livres, on acquiert du vocabulaire. Oui, chacun son truc, je vous l'ai dit. Alors, ça y est, je sais. Vous êtes écrivain et vous attendez la bonne anecdote. Vous attendez... Tenez, vous attendez que des gens s'approchent de cette vieille balance à gauche et qu'ils essaient de mettre une pièce. Vous savez que depuis le passage à l'euro, ces balances ne sont plus utilisables ? Le monnayeur n'a pas été changé ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais vous êtes quand même écrivain. Non, je suis juste lectrice. Et ça, c'est le livre que j'ai attaqué hier. Oui. Ok. Je vais trouver. Vous avez peur un peu des pigeons ? Non. Ah. C'est un truc normal, hein ? Pas un truc paranormal, zarbi, tout ça. Oui, normal. Dites, je me demandais si les policiers gauchers avaient le droit de porter leur arme de l'autre côté. Comment vous savez que je suis gauchère ? Vos nœuds de lacets. La boucle est dans l'autre sens que si on est droitier. Et donc, votre arme ? Vous voulez m'humilier, c'est ça ? Vous me dites plein de trucs sur moi sans que je trouve un seul truc sur vous ? Ah non, pas du tout. Ah, j'y vais. Hein ? Tenez, j'ai fini cet autre livre hier, il était très bien, je vous l'offre. Moi, je vais bouquiner le mien sur le siège à accoudoir qui vient de se libérer là-bas. Mais il y avait d'autres chaises de libre. Oui, mais avec accoudoir, c'est beaucoup plus agréable pour lire. Essayez. C'était L'oiseau de proie, de Lewis Trondheim, avec Claire Dumas et Caroline Breton. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Clémence Gross. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.